Bonjour et bienvenue dans ce Animé nos mélodies. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Vous pourrez encore découvrir en 2020 d'autres soundtracks inédits ou de simples souvenirs pour vous. Le tout est de vous faire plaisir en écoutant ce podcast. Dans ce numéro de janvier, je vous propose de découvrir les musiques de Rémi sans famille, de Takeo Watanabe, avec un invité surprise, et de Yoko Leda, de Shiro Sagizu, accompagné de Yann Kouza. Si cette formule vous plaît, nous referons un essai prochainement. Venez d'écouter le générique français de Rémi sans famille, chanté par Cyril Dupont. Cyril Dupont a 14 ans en 1982 quand il est choisi pour ce générique par Jean Renard, qui en a aussi signé la musique sur des paroles de Charles Level et que vous connaissez tous d'ailleurs pour les génériques de la 5 pour lequel il en a écrit la majorité. Ce qui a plu était son côté gavroche dans la voix, le côté Titi parisien comme on dit. Petite anecdote amusante, lors de l'enregistrement, Cyril a pu écouter celui de Dallas qui était en pleine session et chanté par Marc Demelmeister et son groupe. Merci à Rue Pasquale et Olivier Fallet pour cette info, que vous retrouverez ainsi que d'autres très intéressantes dans leur livre « La belle histoire des génériques télé », dont vous trouverez le lien en description de ce podcast. Deuxième anecdote amusante sur la série en elle-même cette fois-ci, celle-ci fut diffusée pour être regardée avec des lunettes 3D nommées « stéréochrome », des lunettes qui en lieu et place de verre étaient pourvues de papier cellophane aux couleurs différentes, vert d'un côté et neutre de l'autre pour apprécier les fameux et nombreux travelling parcourant l'animé sur les paysages français. Et même aujourd'hui, vous pouvez, en vous procurant ces fameuses lunettes, regarder la série avec. Nous écoutons tout de suite le générique japonais chanté par Ayako Sawada, Saharuki Hajimeyo, qui se traduit par « Allez, commençons !» 「悲しみ色した」 Un jeune garçon de Chavanon, petit village des montagnes du Massif Central, vit dans le bonheur avec sa mère et sa vache Roussette. Cependant, Rémi n'a jamais connu son père, puisque ce dernier est tailleur de pierre dans la capitale. Un terrible accident survient lors d'un chantier et le père de Rémi décide de poursuivre son patron. Le procès coûte une fortune et Madame Barberin n'a bientôt plus d'argent. Roussette est vendue pour payer les dettes. Après des mois, Monsieur Barberin revient. Pour Rémi, le tendre père qu'il attendait tellement est enfin revenu, mais la réalité est tout autre. L'accident de l'échafaudage a brisé le corps de Monsieur Barberin et ruiné la famille. Jérôme Barberin impose à sa femme d'envoyer Rémi dans une institution, car le petit garçon est en fait un enfant abandonné. Sa mère dévoile alors à Rémi les circonstances de son adoption, dont il ignorait tout. De son côté, Monsieur Barberin cherche un moyen de se débarrasser du petit garçon, quitte à vendre ce dernier. Et c'est dans un bar qu'un vieil homme propose à Monsieur Barberin de lui racheter Rémi. C'est un comédien ambulant du nom de Vitalis. Il voyage à travers les routes de France avec son singe et trois chiens. Le soir, Rémi et son père rentrent tous les deux, mais Monsieur Barberin interdit au petit garçon de mentionner l'entrevue avec Vitalis à sa mère. Alors que Madame Barberin est sortie faire une course, Vitalis s'acquitte des 40 francs et part sur les routes de France avec le petit Rémi, sans que ce dernier n'ait pu revoir sa mère une dernière fois. Vous venez d'écouter le résumé des trois premiers épisodes et je vous laisse découvrir la suite en achetant le box Blu-ray ou DVD sorti chez All The Anime. Pour parler du soundtrack de Rémi sans famille, mais surtout pour parler un petit peu de l'histoire de Rémi sans famille, j'accueille un invité, Rémi justement. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci Rémi d'être présent pour cette émission, pour nous parler un petit peu de cette œuvre de Hector Malo dont tu fais partie. Il n'y a pas de quoi. Alors Rémi, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Oui, ok, non, je veux dire... Est-ce que tu peux me présenter ton parcours, ton histoire ? Ah bah oui, d'accord, excusez-moi. Bah en fait, je m'appelle donc Rémi et je vivais avec ma mère dans le Massif Central à Chavanon. Mais suite à un revers de fortune et la malhonnêteté de mon père adoptif, je me suis retrouvée vendue à un vieil Italien. Malgré ces circonstances difficiles, je me laisse vraiment pas abattre et je reste déterminée. Je sais profiter de toutes les opportunités et c'est ce qui me donne toute ma force. Très bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu vraiment des autres personnages de cette histoire ? Peut-être commencer par le maître Vitalis ? Bien sûr. Alors Vitalis, il m'a acheté en fait donc à Jérôme Barberin, c'est mon papa adoptif. Mais sous des dehors de brutes imposantes, en fait se cache un homme au cœur tendre et généreux. Il va d'ailleurs vite devenir mon professeur en m'apprenant à lire, à écrire et à chanter. Et souvent c'est moi qu'il fera passer avant lui, lorsque les circonstances seront difficiles. On va apprendre un peu plus tard, malheureusement, qu'il s'agit d'un ténor italien et de renommée mondiale qui avait disparu après la perte de sa voix. D'accord. Il y a d'autres personnages que tu veux nous présenter ? Bien sûr. Il y a Capi, Dolce, Zerbino et Joli Cœur, le singe, qui sont les animaux de la troupe et de très bons amis. C'est aussi grâce à eux que je sortirai parfois de situations difficiles. Et c'est au prix de leur vie que certains me sauveront aussi. Oui, on sait, c'est une histoire très triste. Et puis il y a aussi Mattia, un grand ami à toi. Oui, lorsque je rencontre Mattia, en fait ce dernier est sous la coupe de Garofoli, un homme injuste et brutal qui exploite des enfants. Mais il a été abandonné très jeune et habitué à être maltraité, tout comme moi. Mattia reste un garçon très enjoué. Après m'avoir rencontré avec la troupe du maître Vitalis, Mattia s'est lassé d'être rudoyé. Il a décidé de me suivre dans toutes mes aventures. Il y a aussi donc les Barberins, ta famille adoptive. Oui, les Barberins sont mes parents adoptifs. Maman, c'est la plus gentille des mamans qu'un enfant puisse imaginer. Mais mon papa est un homme très dur. Il a été victime d'un accident de travail et toutes les difficultés qui ont suivi l'ont transformé en un être froid, capable de vendre un petit garçon, donc moi, pour quelques francs seulement. Et puis il y a aussi les Milligan, la famille riche anglaise. Oui, j'ai rencontré plusieurs fois la famille Milligan. Il y a Arthur, un jeune garçon handicapé, et sa maman, ils sont riches et ils viennent donc d'Angleterre. Je fais leur connaissance lorsque Vitalis est emprisonné et on s'est lié d'amitié. C'est aussi donc un grand destin qui t'attend avec cette famille. On n'en dira pas plus pour ceux qui veulent suivre ton histoire. Ah bah oui, il faut suivre d'abord mes aventures pour tout comprendre. Il y a aussi les Aquins. Oui, lorsque le maître Vitalis, malheureusement... Ah, je veux pas spoiler. Enfin, c'est la famille Aki qui me recueille en fait, composée de 4 enfants et de leur père. Suite à un mauvais sort, en fait, ils doivent se séparer de moi. Mais ils sont tous très importants pour moi, et je les garde dans mon cœur, et je vais les voir souvent en traversant la France, en les visitant les uns après les autres. Et puis aussi les Driscoll. Oh là là, cette famille, la méchanceté à l'état pur. Ils se sont fait passer pour mes vrais parents. Ils m'ont kidnappé pour me demander une rançon. Pour eux, tout est bon pour se faire de l'argent. Ils n'ont aucun scrupule. Je préfère pas parler d'eux. D'accord. Alors Rémi, est-ce que tu sais qui est ton papa d'écriture, Hector Malo ? Ah ben non, je sais pas du tout. Tu sais, toi ? Oui, je sais. Eh bien, Hector Malo est un grand écrivain prolifique, auteur d'une 60aine de livres. Ses romans, pour adultes, sont aujourd'hui oubliés, bien qu'ils eurent un grand succès jusqu'en 1930. Ah, ça alors ? Il est aujourd'hui plus connu pour ses histoires pour enfants, telles que En famille, Le Mousse ou Sans famille, dont tu viens, Rémi. Ah, d'accord. Alors, Rémi sans famille ou sans famille donc est paru en 1878. Et donc ça raconte ton histoire, Rémi, un enfant trouvé, vendu pour quelques sous à Vitalis, un musicien italien ambulant. Et vous voilà partis tous les deux en compagnie des animaux du vieux musicien sur les routes de France et d'Angleterre. C'est un roman initiatique par excellence. On te voit, Rémi, grandir au fur et à mesure qu'il vit des aventures plus ou moins terrifiantes. On n'en parle pas. Hector Malo, à l'instar d'Honoré de Balzac, tenait à dépeindre la société de son époque. On retrouve donc dans « Sans famille » des lieux réels et des situations qui, bien que fictives, sont censées être représentatives de la vie à la fin du 19e siècle. Ah là là là là, c'est vrai que la vie, c'était vraiment la misère. Alors, il faut savoir que le roman d'Hector Malo a fait l'objet aussi de nombreuses adaptations en animation ou en film live. Il y en a eu un pas très longtemps d'ailleurs, un film français. Oui, je l'ai vu, j'ai bien aimé. On sait que le premier film de Sans famille date de 1913. En animé, il existe 3 versions. Une version long-métrage qui date de 1970, produite par la Toei, et la version que l'on connaît tous date de 1977. Elle a été réalisée par Osamu Dezaki. Ah, c'est un japonais, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un dessin animé japonais, en fait. D'accord. Et enfin, il y a eu aussi une version en 1996, de nouveau, donc japonaise, produite par la Nippon Animation, qui s'avère être une réinterprétation de la série de 1977, dans lequel, eh bien toi, Rémi, tu es une fille. Ah, une fille ? Ah ! Bah oui, mais c'est pas bien grave, c'est une nouvelle réinterprétation, ce n'est pas toi. Ce que l'on sait de cette série de 1977, c'est qu'elle a pris quelques libertés par rapport à l'œuvre d'Hector Malo. Certains personnages n'existant pas dans le roman, ou alors les circonstances de la mort de certains d'entre eux ne sont pas les mêmes. On va pas trop en dire, hein, pour pas gâcher les différentes révélations. Ah bah non, sinon ce serait pas la peine. Ces variations par rapport à l'histoire originale n'en feront pas moins une série animée marquante. En effet, même si elle n'a pas obtenu le succès d'un Candy ou d'un Goldorak à l'époque, eh bien Rémi, sans famille, reste un animé ayant marqué la génération qui a suivi sa diffusion télé au début des années 80 sur TF1. Rémi, veux-tu savoir qui a composé les musiques de Rémi sans famille, ton histoire ? Ah bah oui, je voudrais bien. Eh bien, il s'agit de Takeo Watanabe. On en a déjà parlé assez souvent dans Anime No Melody. Takeo Watanabe donc est né en 1933 et il est décédé en 1989. Il était un compositeur japonais qui a contribué au succès de nombreuses séries animées en leur prêtant ses musiques originales. C'est notamment le cas de Candy ou de Georgie. On y retrouve par ailleurs ses œuvres au cinéma dans de nombreux films japonais et plus récemment, en 2003, soit 14 ans après sa mort, on a pu entendre un de ses morceaux dans le film live Lost in Translation. Veux-tu écouter maintenant les musiques de Takeo Watanabe ? Ah oui, je voudrais bien. Eh bien, on y va tout de suite et on se retrouve après pour la suite. À bientôt. Thank you. Questa che lo ci viemola luci si nieca nella mia staccia malata s'affaccia la sorella e me lo dice nella toia è morta e se a terra lieva sempre che dormeva sola mo dorme con i morti accompagnata mo dorme con i morti accompagnata. Thank you. Thank you. venez d'écouter Arapeku March, chanté par Ayako Sawada. Pour m'accompagner et parler de Yokoleda, je suis avec Yann Kouza. Bonjour Yann Kouza. Bonjour Yota, maître du soundtrack. Oui, merci à toi. C'est très gentil de ta part de me nommer maître du soundtrack. Je vais pas te contredire. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pour le président de... Enfin, voilà. Petit... On est donc tous les deux pour parler de Yokoleda, comme je l'ai annoncé au tout début. Mais avant de parler de Yokoleda, de ce qu'on pense de Yokoleda, on va peut-être faire un petit résumé rapide du film. Enfin, un film. C'est un OAV plutôt, qui est devenu un film par la suite, puisqu'il a été diffusé au cinéma, au Japon. Mais c'est en premier un OAV. Donc, Yoko Asagiri, qui est donc l'héroïne de ce film, ou de cet OAV, a composé une musique au piano pour l'homme dont elle est amoureuse. Mais cette musique, en fait, va ouvrir un pont, la transportant vers un monde alternatif fantastique qui s'appelle Ashanti. Là, le souverain de ce monde veut récupérer sa mélodie pour qu'il puisse l'utiliser et ouvrir une porte sur le monde de Yoko, justement, et le conquérir avec ses armées. En utilisant donc les artefacts laissés par la légendaire guerrière Leda, qui a prophétisé son arrivée, Yoko et ses nouveaux amis vont devoir arrêter l'ambition du tyran et ramener les deux mondes à leur place et à leur équilibre. Yann Kouza, je sais que tu l'as vu il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu as pensé de cet OAV ? Eh bien, j'étais agréablement surpris et j'ai bien aimé parce que j'avais vu à l'époque dans les fameux magazines qu'ils en parlaient, mais j'avais pas eu l'occasion d'acheter la VHS hein, qui est sortie, pour rappel, chez AK Video. Tout à fait. En 97, si je me trompe pas dans la date. Et donc, j'ai pu enfin le voir. Donc, moi, j'ai bien aimé, sympathique. J'aime bien. Par contre, j'aime bien le personnage du chien. C'est le fameux, le fameux animal qu'on voit dans des séries qui accompagne toujours une guerrière ou quelque chose qui l'aide dans ses aventures. Hein. Oui. C'est le même. Non, c'est l'hormone, c'est des chats. Dans Gigi, et là, c'est un chien. Voilà, effectivement. Et pour ma part, je l'avais vu à l'époque, je l'avais acheté la cassette vidéo. Il me semble que c'est moi qui l'avais acheté ou c'est une amie à moi qui l'avait pris peut-être. Et on l'avait vu et je l'avais quand même à l'époque déjà trouvé un peu trop vieillot. Je dois avouer. 85 quand même pour la production. Et oui, mais même après l'avoir vu en 97, je l'avais trouvé un peu trop vieillot. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de sorties. Enfin, il y a beaucoup de choses qui commençaient à sortir à ce moment-là, à l'époque, chez AK Video, que finalement, ça semblait être un peu une série, un OAV quelconque parmi tant d'autres, en fait. Tandis qu'en fait, on peut le dire, c'est un des premiers OAV qui sont sortis en VHS au Japon. Tout simplement, des premiers OAV, donc original animation vidéo. Au Japon, c'est OVA, et voilà. En France, nous, on a fait l'inverse, OAV, voilà. Pourquoi c'est comme on dit, bah, écoutez, on demandera ceux qui ont fait ça, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Animeland. Tu crois que c'est Animeland? Je ne sais pas, je vous écoute. Écoutez, Animeland, merci à vous, tout simplement. Je ne suis pas sûr. Hein. Mais donc, pour le besoin de ce podcast, j'ai donc revu le OAV récemment, un peu avant toi. Et je dois dire que j'étais assez surpris parce que je pense qu'à l'époque j'avais été un peu bon, il y avait tellement de choses qui sortaient que je dis bon, encore un truc à voir, ouais bof, ok, on passe à autre chose parce que c'est vrai que c'est assez succinct, puis on n'a pas de fin, enfin si, il y a une fin mais c'est très basique. Il y a une belle animation, ça il faut le dire, même maintenant je le reconnais, il y a vraiment une super belle, très souple, hein, quand je dis souple c'est à dire que les mouvements des personnages sont très accentués, on le voit aussi auprès des robots, la manière dont ils bougent, qui sont pas très, c'est pas que c'est pas naturel, c'est que normalement c'est presque organique finalement, c'est à dire que c'est fluide au niveau du mouvement. Après les robots sont un peu spéciaux. Oui. Le chara-design. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, on va rappeler que le character design est réalisé par Mutsumi Inomata, que l'on a retrouvé dans d'autres films et OAV. Tu peux leur en citer quelques-uns, peut-être ? Il y a The Withering Continent, Blend Power Red. Alors, je le dis avec mon accent, excusez-moi, hein, je m'excuse auprès de tes auditeurs. Je suis comme moi. Windaria ou L'Empire des Cinq, notamment. Voilà, et en plus, elle est aussi excusez-moi, je ne sais plus si c'est une femme ou une homme, je crois que c'est une femme, il me semble. Je crois que c'est une femme. Elle est directrice d'animation aussi, puisqu'elle a aussi officié sur Windaria, l'Académie des Ninjas, et oui, donc qui est passée en France. Hein. Nicky Larson aussi, je ne sais pas si c'est sur la film ou la série en elle-même. mais sur City Hunter, donc elle a fait l'animation. Et on la retrouve comme designer aussi sur la série Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. Et même sur Mahime, alors ça c'est des séries un peu plus récentes hein, du coup. Mais voilà, elle a continué à travailler encore une fois durant les dernières années. Voilà, donc pour revenir un peu donc, à cet OAV, donc, franchement il est vraiment très très beau. On peut le trouver facilement en cherchant sur internet le film, hein, sur YouTube ou autre, vous pouvez quand même le trouver même en français. C'est pas bien, mais bon voilà, vu qu'il n'y a pas d'édition française de prévu avant un bon moment, autant le voir. Peut-être un jour, vu que Lizzy c'est une édition Blu-ray au Japon. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'un jour, effectivement. Après, est-ce qu'il va se vendre ? C'est très basique, encore une fois, on le redit. C'est-à-dire qu'il y a une fin, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu spécial, on va dire. Oui, c'est vrai que c'était un peu... Le méchant est très caricatural, hein, on peut aussi le dire comme ça. Après, reste la belle animation. On le voit comme un bijou d'animation, en fait, ce qu'on a produit dans les années 80. Et c'est vrai que c'est très, très beau. Il n'y a pas à dire, il y a eu un très, très bon travail dessus. Et d'ailleurs, on va reparler tout de suite aussi de Yokoleda par sa musique, puisque le compositeur... Ah, mais qui est donc derrière les compositions ? Et voilà, et bien c'est Shirou Sagizu, encore une fois. Shirou Sagizu, vous le connaissez. Yann Kouza, tu le connais bien aussi. Il a travaillé sur de nombreuses œuvres cultes. On va nommer... C'est ton ami. Il a travaillé donc sur Kimagure Orange Road, qui est connu en France sous le nom de... Max et compagnie. Voilà. Mais aussi, pas que ça, il a aussi travaillé sur Nadia, le secret de l'eau bleue. De l'eau bleue, ah oui, tout à fait. Qui en japonais se nomme Fujiki no Nadia. Voilà. Ah. Il a aussi fait Évangélion, on va traiter un peu. Évangélion. Moi je dis Évangélion. Évangélion, Évangélion, c'est comme vous voulez. Moi je dis les deux en fait. Dans une phrase, je peux te mettre les deux, si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai vu que je vois qu'il a travaillé aussi sur Attacker You, soit Jeanne et Serge, effectivement. D'ailleurs, je vais recevoir dans pas longtemps le 33 tours, parce que j'ai trouvé le 33 tours sur un site d'enchères japonais. Je l'ai déjà fait écouter dans l'anime de Mélodie, mais je n'avais pas encore le 33 tours. Enfin, mais donc cette fois-ci, je vais l'avoir, donc je suis très très content. J'ai eu pour ceux qui écoutent ton podcast, dans les productions récentes, qu'est-ce qu'il a fait dans les productions récentes? C'est simple, il a fait les musiques de Berserk. Les films de Berserk. En série, il était sur les films et les séries de Bleach aussi. Yes. Voilà, mais aussi Magica Street, Abedo Machi, que je vous ai fait écouter il n'y a pas longtemps dans l'anime de Melody. Hein, je vous ai fait découvrir. Macross 2, donc un peu plus longtemps quand même. Mais aussi Maggie, The Kingdom of Magic et The Labyrinth of Magic aussi. Donc, ça, c'est une série aussi très récente. C'est une très bonne série d'ailleurs, dont on espère en jouer avant la suite. Un autre film, je pars dans les années 80 à nouveau, hein, je crois que c'est en 86, et qui se nomme Nom de Code Love City, que je vous ferai découvrir dans pas très longtemps aussi, dans Animé No Melody. Voilà, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai vu aussi qu'il a fait aussi Ushio Totora. Tout à fait, sur les six premiers OAV, en fait, il y a un mélange de plusieurs compositeurs. Alors, ça se faisait assez souvent là-bas qu'on se partage les musiques, comme dans Ranma 1,5. Il y a plusieurs compositeurs sur la série, il y en a trois exactement. Et ici, c'est pareil, il y en a eu deux ou trois différents sur Ushio et Tora, parce qu'il y avait déjà 12 OAV. Donc, il y a un mélange. La première partie, c'est Shiro Sagizu, on le reconnaît bien avec son style électrique. Guitare et puis un peu orchestral aussi, donc c'est assez sympa. Mais pour revenir donc aux musiques de Yokoleda, c'est pareil, on reconnaît son style musical, on est plus proche de Nadia en termes de musique, mélangé à quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus électrique aussi à nouveau, comme tel qu'on le connaît, mais un peu plus prononcé et avec un peu de synthé quand même, puisque ça reste un OAV, donc avec des moyens assez limités, mais malgré tout, il y a de très bons thèmes à découvrir. Et vous allez d'ailleurs pouvoir vous en apercevoir dans quelques secondes, puisqu'on va écouter ensemble les musiques de Yokoleda. Je remercie Yann Kouza d'avoir participé à ce petit podcast. Eh oui, c'est déjà fini. On va pas parler pendant 10 ans, les gens. Un petit mot sur les comédiens de doublage quand même. On retrouve à la voix de l'héroïne Hiro Mitsuru, qui était connue pour la voix de Bulma, qui nous a quittés déjà il y a pratiquement 2-3 ans. Oui. Donc voilà, c'est elle qui officie comme elle a fait pour Madoka et tout. Donc voilà, c'était juste le petit truc que je voulais rajouter pour ceux qui connaissent que par Dragon Ball. Elle a fait aussi donc sur Yokoleda, l'héroïne Yoko Azagiri. D'accord, ben, je te remercie pour ce petit complément d'information. Je rappelle que vous pouvez retrouver Yann Kouza sur radioanime.net dans son émission dominicale, donc le dimanche, tous les 15 jours, qui se nomme Morning Otak. Une très très bonne émission, je vous conseille. Mais aussi, ça y est, il l'a repris. Donc vous pouvez l'écouter sur podcloud.fr. L'émission RetroTac, enfin le podcast RetroTac qui revient avec son 9e numéro qui est consacré à pas mal de titres puisqu'il parle à l'année 91. Voilà. Effectivement, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas fait de RetroTac? Bah bientôt le dernier est sorti en mai 2017, donc oui. On est bientôt sur 3 ans, donc là ça fait 2-3 ans. Donc, voilà, et ça se voit que la qualité est bien au-dessus puisque je l'ai écouté donc hier et on entend ta voix beaucoup plus clairement qu'avant, c'est vachement bien. Bah écoutez, donc je vous conseille fortement d'écouter ce 9e numéro, et les anciens aussi qui sont très bien malgré tout, de RetroTac. Oui. Et donc on peut te retrouver mais aussi sur Facebook avec ton groupe RetroTac bien entendu, mais aussi... Oui. Mais aussi, alors, il y a Retroactu Network qui est bon, pour l'instant pas beaucoup actif, donc où je reviens sur l'actualité du rétro, parce qu'il y a quand même de l'actualité sur le rétro. J'ai aussi Yann Kouza qui essaye de survivre, donc où je faisais avec ma chaîne YouTube. Et puis bah, radio-anime.net où je suis plus actif. Voilà, tout à fait. Sur radio-anime.net, voilà. Dont il est le président, rappelons-le encore une fois. Pour la troisième fois. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, Yann Kouza, je te remercie d'avoir participé Merci de m'avoir invité. Podcast. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. On te retrouvera certainement dans un prochain animé Nolody, j'en suis sûr. Peut-être un autre Omake, un gros petit délire. Et écoutez, il est temps d'écouter les musiques de Yoko Leda, les aventures de Yoko Leda. Merci à vous et on se retrouve juste après.

誰よりも好きなのに。 もう一度あなたの腕の 涙は嫌いよ時だけ過ぎてく切ない恋でもいつかはあなたの瞳に住めるから今風とブーケのセレナーデ愛をしまい込んだメッセージ東の空高く伝えたいのどんな星よりもきらめく私を Venez d'écouter Kaze to Buke no Serenade, chanté par Alice Sato et écrit par Shiro Sagizu et Koji Makaino à la musique. Merci d'avoir écouté ce 46e numéro de Anime no Melody. Je remercie encore une fois Yann Kouza, Rui Pasquale et Olivier Fallet, mes partenaires RadioAnime.net, Frankie Anime Live, Sense Squad et City Pop. On se quitte avec Megumi Hayashibara qui chante comme Sweet Death Second Impact, ou alors comme Suzer Todd dans sa version d'origine, ici façon jazz tirée de l'album de Shiro Sagizu, The World Evangelion Jazz Night de Tokyo Free Jazz Club. Et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Au mois prochain! 場所に落ちた